Chapitre 18e. Josette avait dîné à Kerouette chez les Laffaire. Sa belle-mère n'avait pas voulu l'accompagner. La veille, l'oncle Jean était parti brusquement, appelé par une dépêche, et depuis ce temps, Madame Moret semblait préoccupée et inquiète. La comtesse supposait que le krach de l'alliance était enfin arrivé, engloutissant une partie de la fortune de son mari. Elle pensait que Jean était parti pour se renseigner, et elle n'osait questionner sa belle-mère. Le temps était splendide. Pierre la ramena à pied par le bois comme autrefois. Une émotion étrange l'oppressait. Involontairement, elle se serra contre Monsieur de Laffaire. Son cœur battait à coups pressés. Il s'en aperçut et voulut ralentir son pas. « Non, » dit-elle, « marchons vite. Je voudrais être arrivée déjà. Pourquoi donc ? Parce que... répondit-elle d'une voix faible, « parce qu'à présent j'ai peur, seule avec vous. » Il ajouta, appuyant sa tête sur l'épaule de Pierre, « Oui, j'ai peur, de moi. » Ils arrivaient dans la cour de Scaer. « Il y a de la lumière au salon, entrez donc dire bonsoir à maman. »« Madame Moret n'est pas couchée ?» demanda-t-elle au domestique qui attendait dans le vestibule. « Non, madame la comtesse. »« Eh bien, dites-lui que monsieur le vicomte de Laffaire est là. » Quand sa belle-mère parut, Josette poussa une exclamation de surprise. Madame Moret était livide et ses yeux rougis semblaient éblouis par la lumière. « Qu'est-il arrivé ? » s'écria la comtesse, inquiète. Madame Moret répondit « Paul a été tué ce matin par monsieur de la Réole. » Josette ne pensa qu'à la douleur de sa belle-mère. « Pauvre maman » murmura-t-elle. Le regard voilé de la vieille femme enveloppa Josette et monsieur de Laffaire, et souriant à travers ses larmes, « Je ne me plains pas, ma fille, Dieu fait bien tout ce qu'il fait. » Ainsi s'achève, de manière un peu abrupte, mais pourquoi pas, le monde à côté de Gypes.